La dernière toile par Charles Bérard. En pleine gloire, en pleine jeunesse, en plein talent, le peintre Paul Viguier s'abattit foudroyé. Par une ironie du sort, il contracta le germe de la maladie qui devait l'emporter le jour même où son vieux maître, le fameux Prichard, président le jury, lui remit avec une paternelle accolade la grande médaille d'or du salon qui le classait hors concours et consacrait définitivement sa réputation. En sortant du palais de l'industrie que le soleil de juin transformait en étuve, Viguier, retenu un moment sous le porche par les poignées de main et les compliments des confrères, tressaille soudain, secoué d'un brusque frisson, le dos glacé. Il se retourna, derrière lui, une porte battante était entr'ouverte sur un escalier plein d'ombre froide. Viguier haussa les épaules, toussa fortement comme pour s'affirmer à lui-même la solidité de ses poumons, et néanmoins quitta au plus vite cette place dangereuse. Dehors, le soleil poudrait d'or l'avenue des Champs-Élysées couverte de brillants attelages. Accompagné de Prichard et de son ami, le sculpteur Cariou, le peintre s'approcha d'une élégante Victoria où étaient assises une jeune dame et une petite fille de 2 ans. Aussitôt, l'enfant battit des mains. « Papa, papa » cria-t-elle. Viguier la prit sur son bras et la couvrit de baisers, abandonnant une main à sa femme qui, les yeux humides, répétant la pressant avec émotion. « Ah, mon ami, quel succès !» Le fait est, dit Prichard, qui dissimulait son exquise sensibilité sous des manières bourrues, le fait est que c'est un vrai succès, mais il est mérité. « Nous avons tout vu, » reprit Madame Viguier, « nous étions très bien placés. Mon beau mari, nous sommes fiers de toi. »« Bonne chérie, » répondit le peintre, « sans vous, je ne serais pas de moitié aussi heureux de ce qui arrive. » Les deux époux s'embrassèrent. Cependant, les passants s'étaient arrêtés. On chuchotait. « C'est l'artiste qui a obtenu la première médaille. »« L'auteur du tableau des Gaulois ?»« Oui, la fête du chêne. C'est magnifique. » Et dans tous les regards, il y avait de l'admiration et du respect. Mais, plutôt gêné, Viguier fit monter ses amis dans la voiture, prit place à côté d'eux, la fillette sur ses genoux. Le cheval partit au trot, dans la direction du petit hôtel qu'il habitait derrière le Luxembourg. Après le triomphe de la journée, l'artiste connut le bonheur intime de voir réunis à la même table la dévouée compagne de sa vie, son maître vénéré, témoin de ses débuts, son fidèle Cariou, dont la gloire égalait la sienne, et joie de la maison, la rieuse et mignonne Henriette, sa petite fille adorée. Toutefois, par intervalle, malgré la tiédeur de cette belle soirée d'été, Viguier frissonnait légèrement. Il n'en dit rien pour ne pas diminuer la gaieté des siens, pour ne pas les inquiéter. « Je boirai une tasse de lait bouillant en me couchant, » pensa-t-il. « Demain, il n'y paraîtra plus. » Grand et blond, comme ces majestueux Gaulois qu'il peignait si bien, Viguier se fit à son robuste tempérament que rien n'avait jusqu'alors altéré. Pourtant, il avait enduré de cruelles privations, car il avait eu les pénibles débuts communs à tous les artistes qui ne sont pas nés avec des rentes. Longtemps il fut pauvre, mais fièrement, il sut sauvegarder sa dignité, ne jamais être ni bohème ni parasite. Remarqué et encouragé par Prichard, dans l'atelier duquel il était entré, Paul Viguier avait étudié consciencieusement pendant plusieurs années, gagnant juste de quoi ne pas mourir de faim. Le druide, sa première toile reçue au salon, lui attira quelques commandes, et l'acheminement vers le bien-être commença dès cette époque. L'artiste avait alors 26 ans. L'année suivante, il exposa 2 tableaux, la mort du Brenne et César consultant les augures, et les clients vinrent en foule. Il put alors considérer la partie comme gagnée. La même année, il se maria. Comme c'était un homme de cœur autant que de talent, il ne chercha nullement à faire ce qu'on appelle un beau mariage. Il suivit l'impulsion de son âme et épousa une pauvre et jolie couturière qu'il aimait. Les commencements du ménage furent assez difficiles. Non pas que la gêne visitât jamais leur modeste intérieur, mais il fallut vivre avec une stricte économie. Heureusement, la jeune Madame Viguier, Antoinette de son prénom, ravissante brune aux yeux bleus, se révéla parfaite ménagère. Couturière habile, elle faisait ses robes elle-même. Elle ignorait le piano, mais elle possédait quelques connaissances culinaires qu'elle perfectionna, s'ingéniant à varier la table autant que le permettaient leurs faibles ressources. Très active, elle tint leur petit logement avec un soin et un goût extrême, et les deux époux rencontrèrent le bonheur dans leur union. Cependant, Viguier se multipliait, travaillait sans relâche. Ses toiles se vendaient de mieux en mieux, mais il voulait davantage encore. Le succès de ces Gaulois poussait les acheteurs à lui demander toujours les mêmes sujets. Celui-ci voulait un brenne, celui-là un druide. Il vit l'abîme qui s'ouvrait devant lui. Ce gain facile allait le précipiter dans la peinture de commerce. Il recula à temps et exposa au salon de 1800 et quelques une composition magistrale, Saint-Louis à la bataille de Mansoura, qui fut achetée 10 000 francs par l'État. Enfin libre de suivre son inspiration et de produire à son heure, il vit la fortune lui sourire en même temps que la gloire. Il avait 30 ans alors, et comme si le ciel eût voulu le combler d'un coup de ses faveurs, sa chère Antoinette le rendit père d'une adorable petite fille. 2 ans de joie parfaite, où le cœur et le cerveau trouvèrent toutes les satisfactions possibles, heureux par son art, heureux par sa famille. Viguier ne voyait aucune raison pour qu'une pareille situation finît. Il ne songeait au passé que pour le comparer au présent et en savourer toute la différence, et il était persuadé que l'avenir serait plus beau encore. Tout ce qu'il gagnait était dépensé, il le voulait ainsi, trouvant inutile non seulement de thésauriser mais d'économiser. « À quoi bon ? » disait-il. « Ma réputation est solidement établie. Elle ne peut que croître, non diminuer. Mes toiles vaudront le double dans 10 ans. Tant que je pourrai tenir un pinceau, la situation sera sûre. Il y en a pour quelque temps, ma belle Antoinette. On est solide comme le pont neuf, » ajoutait-il en redressant sa haute taille. La jeune femme souriait, confiante, et obéissait à son mari. Leur train grandissait de plus en plus. Qu'ils furent vite loin, leur petit logement de Montrouge et l'atelier en gare, construit dans un terrain vague près des fortifications. De la mort du Brenne à César, chaque grande toile représenta une étape vers l'aisance, et enfin, quand Saint-Louis à Mansoura eut été payé par l'État, ils déménagèrent et louèrent un petit hôtel, avec jardin et hall vitré, dans une rue paisible près du Luxembourg. Et revenant du salon, lauréat triomphant, Paul Viguier songeait que la fête du chêne lui fournirait le moyen d'acheter le petit hôtel, et il rêvait d'autres acquisitions encore, car l'année s'annonçait grosse de commandes. Le lendemain, bien qu'il eût absorbé sa tasse de lait chaud, le peintre se sentit mal à l'aise, sans force, la tête bourdonnante, avec une douleur aiguë sous le cœur, s'avivant quand il respirait. Il voulut se lever quand même, se mit au travail, mais dut abandonner l'œuvre commencée. Il déjeuna sans appétit, sortit, espérant que le grand air calmerait son mal, le distrairait, et rentra bientôt, fatigué, maussade et tremblant de fièvre. Un médecin appelé reconnut les symptômes d'une pleurésie. Il ordonna un repos absolu, des vésicatoires, des boissons diurétiques, etc. Viguier resta au lit un grand mois, déchiré par la toux et brisé par de douloureuses insomnies. Sa femme fut admirable de courage. Cette frêle créature puisa dans sa volonté les forces nécessaires à l'accomplissement d'une tâche écrasante. Elle soigna son mari, veilla des nuits entières à son chevet, sans pour cela négliger la petite Henriette, et ne cédant au sommeil que vaincue par la fatigue. Enfin, un mieux sensible se produisit. Le docteur permit au malade de se lever, sans toutefois quitter la chambre, et déclara que la convalescence serait très longue. 2 semaines plus tard, Viguier reprit ses brosses et du même coup se crut sauvé. Il peignait alors une grande scène des temps mérovingiens, Sigebert élevé sur le pavois au mal de Victoriacum. Il ne s'étonna pas de se sentir le travail pénible, toutes ses facultés amoindries, la conception paralysée et l'exécution difficile. Il espéra qu'il se reprendrait complètement, quand la guérison serait définitive. En attendant, il s'occupa de toiles moins importantes. Hélas, le temps passa, et Viguier commença à s'inquiéter sérieusement. À sa première sortie, il se rendit chez le médecin qui l'avait soigné, et quand ils furent seuls, l'artiste dit, très grave, « Docteur, je suis venu pour savoir la vérité. Redeviendrai-je fort, comme autrefois, ou dois-je demeurer dans cet état de langueur, sans espoir de guérison ?» Le médecin eut un geste de surprise, puis répondit d'un ton jovial qui sonnait faux, « Vous guérirez sûrement, voyons. Pourquoi désespérer ? Je ne vous demande pas de me rassurer, reprit Viguier simplement. J'ai besoin de savoir si je suis irrémissiblement perdu, combien de temps j'ai encore à vivre. Je ne puis vous expliquer les raisons qui me font agir. Prenez toutefois qu'elles sont de la plus haute importance. Je ne crains pas la mort. La vie de ceux que j'aime m'est plus précieuse que ma propre existence. Mais je ne puis, docteur, au nom du ciel, répondez-moi franchement. » Le médecin regarda l'artiste dans les yeux. Il le vit, calme et résolu, attendant froidement son arrêt. « Eh bien, dit-il, tout espoir n'est pas perdu. La guérison est loin d'être impossible. Continuez à vous soigner, ne travaillez pas trop. Méfiez-vous des brouillards et des froids vifs. Vous passerez cet hiver sans encombre, je réponds, mais l'année prochaine... » Il s'arrêta, hésitant. « L'année prochaine, insista le peintre fort calme. Mon Dieu, ne vous alarmez pas, c'est une hypothèse. Le contraire peut aussi bien se produire. Seulement prenez vos précautions. Il se pourrait qu'aux premières gelées... » « J'ai compris, docteur, » reprit Viguier avec un pâle sourire. « J'ai encore un an à vivre. Permettez. Vous dépassez ma pensée. L'issue fatale n'est pas inévitable. La nature a tant de ressources. J'en ai vu revenir de plus malades que vous. Le moral influe beaucoup sur le physique. Souvenez-vous-en. Encore une fois, docteur, je vous affirme que je n'ai pas besoin de consolation. Vous avez été franc. Je vous remercie. » Et le médecin fut étonné de sentir la main du peintre ferme dans la sienne, de ne voir aucun trouble dans ses yeux bleus. Malgré ses recommandations, Viguier se livra au travail avec acharnement. Il s'était promis de gagner le plus possible avant de mourir afin de mettre sa femme et sa fille à l'abri de la misère. Tâche difficile car le ménage n'avait pas un sou d'économie. Mais malgré son courage et son ardeur, il n'était parvenu qu'à amasser une vingtaine de mille francs quand l'automne reparut. Bientôt, les rues de Paris s'emplirent de brume. Il y eut de longues journées ternes, pluvieuses et sans soleil. Peu à peu, le peintre se remit à tousser. Lentement, sa faiblesse augmenta. Et enfin, une après-midi, un étourdissement subit le fit tomber, évanoui, au pied de son chevalet, devant une toile à peine ébauchée. De nouveau, il dut s'aliter. Quand le médecin se présenta, il lui tendit sa main amaigrie, en disant à voix basse « Vous ne m'aviez pas trompé. » Puis il ajouta, « Ne confiez pas la vérité à ma femme, laissez-lui croire à de meilleurs jours. » Le peintre fut entouré de soins et d'affection. Madame Viguier reprit vaillamment son rôle de garde-malade, qu'elle n'eût pas voulu confier à des mains mercenaires. Cariou et Prichard, ses deux amis, vinrent presque quotidiennement le voir ou prendre de ses nouvelles. Et le médecin, ému par le courage de l'artiste, tenta l'impossible pour le sauver. Il s'aperçut vite que Viguier, tourmenté par l'idée de son impuissance à garantir l'avenir des siens, aggravait son mal par son désespoir. Heureusement, une bonne nouvelle vint réconforter l'artiste. Un marchand de tableaux des boulevards lui écrivait que son Sigebert à Victoriacom avait été vendu 5 000 francs à un américain milliardaire qui, désireux de se former une galerie, lui achèterait volontiers d'autres compositions du même genre. Séance tenante, Viguier répondit qu'il ne possédait rien de terminé dans son atelier. À peine quelques ébauches, tout ce qu'il avait pu produire ayant été vendu dans l'année, et qu'il était très malade, si profondément atteint, qu'il ne conservait aucun espoir de guérison. Il ajouta que sa mort donnerait une plus-value à ses œuvres, et qu'il tenterait de peindre une dernière toile, la dernière absolument, si cette offre pouvait plaire à l'amateur. Il en demandait 15 000 francs, et priait le marchand de lui amener l'américain. Monsieur Adrien Godilly vint en effet le lendemain. C'était un original, un eccentric man, dans toute l'acception du mot. L'idée de posséder la dernière œuvre de Viguier l'avait séduit de suite. D'ailleurs, ses moyens lui permettaient de s'offrir de plus coûteuses fantaisies. Seulement, comme il aimait à traiter carrément les affaires, il tint à s'assurer si le peintre était aussi malade qu'il le prétendait, c'est-à-dire s'il posséderait bien sa dernière toile. Très froid, il interrogea le médecin, qui, indigné de cette insensibilité, lui répondit un peu brutalement qu'il pouvait être tranquille et s'estimer déjà heureux si le moribond avait la force de terminer sa commande. « Parfaitement, » conclut M. Godilly, satisfait. « Alors je prends le tableau. Mais comment le peindrez-vous » demanda-t-il à l'artiste. « Assis sur mon lit, vous verrez, c'est très commode. Pour bien, et quel en sera le sujet ?» Il cherchait quand Mme Viguier entra suivie de la petite Henriette. « Joli enfant !» dit l'Américain en saluant la maman. Quand je reviendrai, j'apporterai des bonbons. Aimez-vous les dragées, mademoiselle ? Toute joyeuse, la fillette sourit. Adrien Godilly parut réfléchir en la considérant. « Comment s'appelle ce charmant bébé ?»« Henriette, » répondit le père, la couvrant d'un regard plein d'amour. « Eh bien, mademoiselle Henriette, voulez-vous que papa fasse votre portrait ?»« Oui, en vérité, ce sera ravissant. »« Ravissant, n'est-ce pas, monsieur ?»« Et je viendrai vous voir si vous êtes bien sage pendant que papa travaillera. » Deux jours après, les séances commencèrent. Une sorte de chevalet fut disposé sur le lit pour soutenir la toile. Richard, qui était présent, prépara la palette de son ancien élève. La mignonne Henriette était assise dans un fauteuil et sa mère restait près d'elle pour l'empêcher de trop bouger. Mais la pause ne durait pas longtemps. Le peintre, si faible qu'il fût, craignant surtout de fatiguer son cher petit modèle. Monsieur Godilly était revenu, comme il l'avait promis, les poches bourrées de friandises. Henriette et lui furent bientôt grands amis. Quand le pratique américain avait terminé ses affaires, il devenait volontiers sentimental. Peu à peu, en causant, il s'intéressa au peintre et à sa famille. Et la scène qu'il revoyait sans cesse, pendant que Viguier peignait, attendrit son cœur. Il fut forcément ému par ce drame intime qui se jouait devant lui. La mère pâlit, les yeux rongés par les pleurs, s'efforçant de paraître gaie devant son mari qu'elle voyait avec épouvante s'acheminer vers le tombeau, car malgré les assurances du médecin, les progrès du mal étaient trop apparents pour qu'elle ne se rendît pas à l'évidence. La petite Henriette, insouciante, riant toujours, ne se doutant guère qu'elle serait bientôt orpheline. Quant au désespoir de Cariou et Prichard, il faisait mal à voir, et au milieu d'eux, le malade plaisantait, les raillant de leur mine allongée, formant des projets de promenade et de fête pour plus tard, quand il serait guéri, absolument comme s'il avait ignoré son état. D'ailleurs, depuis qu'il avait entrepris sa dernière toile, il paraissait revivre, emporté par une fièvre de travail qui lui fournissait des forces factices. L'odeur forte des couleurs lui semblait plus douce que baume, tant il aimait son art. M. Godilly admirait ce stoïcisme. Au fond, c'était un excellent homme, plus froid en apparence qu'en réalité. Mieux connu, il fut aimé de tout le monde. Un soir, il sortit avec le médecin et le pria de lui raconter l'histoire de Viguier. Ces détresses subites, ce brusque effondrement d'un avenir qui s'annonçait riche et glorieux, ce naufrage au port après tant de luttes, l'émurent au plus profond de l'âme. Il fut en même temps troublé par l'énergie de ce père qui, jusqu'au bout, combattait pour les siens, de cet artiste qui allait mourir comme un soldat au champ d'honneur, les armes à la main. Toutefois, il ne laissa rien paraître de ses sentiments. Une semaine plus tard, la toile presque achevée, Viguier, pendant une séance, se renversa sur son oreiller et devint affreusement pâle. Sa femme et l'Américain se précipitèrent vers lui. Ce n'était qu'une légère syncope, et bientôt il reprit ses sens. Quand Madame Viguier, retournée près d'Henriette, ne put l'entendre, le peintre fit signe à M. Godilly et lui dit, très bas, en lui montrant le tableau, « Je vais toujours le signer. Ce sera plus sûr, n'est-ce pas ?» Et ces paroles, qui prouvaient clairement qu'il se voyait mourir, il les prononça sans amertume avec seulement de la mélancolie, et d'un ton si doux, si résigné, que l'Américain sentit son cœur se fondre de pitié. D'un élan spontané, irréfléchi, il pressa la main de Viguier, sans pouvoir articuler un mot, tant l'émotion l'étranglait. À ce moment, le médecin pénétra dans la chambre du malade avec Prichard et Cariou. Tous trois s'étaient rencontrés à la porte. Du premier coup d'œil, le docteur vit que la minute fatale approchait. « C'est la fin !» murmura-t-il à l'oreille de Cariou. Comme pour lui donner raison, Viguier se prit à râler en même temps qu'un tremblement convulsif l'agitait. « Oh !» dit Henriette, joignant ses menottes. « Pauvre papa, comme il a froid !» La palette était restée sur le lit, à la gauche du peintre. Il tenait encore un pinceau dans sa main droite, la toile posée devant lui. Monsieur Godilly la lui prit et feignit de l'examiner avec attention. Mais il ne distinguait rien, les yeux brouillés par les larmes. Madame Viguier, agenouillée au chevet de son mari, sanglotait sourdement, le visage appuyé sur le drap qui serait bientôt un linceul. Cariou, aussi pâle que le moribond, serrait les poings, une flamme étrange dans les prunelles, comme furieux de ne pouvoir arracher à la mort ce compagnon de sa jeunesse, cet ami, ce frère. Quant à Prichard, il bougonnait entre ses dents. Un si brave enfant. Il est un artiste vrai, sincère, celui-là. Pas un barbouilleur. Les bons s'en vont. Et cent autres récriminations contre le sort implacable, tandis que de grosses larmes lui brûlaient les paupières. Cependant, le médecin administrait à Viguier une potion destinée à adoucir ses derniers moments. Le résultat fut assez prompt. Progressivement, le peintre cessa de trembler et il reprit son entière connaissance. Il se fit un profond silence. On n'entendit plus que les sanglots de Madame Viguier et la petite Henriette, qu'on avait oubliée sur son fauteuil et qui pleurait aussi, sans trop savoir pourquoi, gagnée par la douleur générale. De la main, Viguier demanda sa fillette. La mère la lui présenta et, la pressant longuement sur sa poitrine décharnée, il lui couvrit le front et les joues de baisers brûlants de fièvre. Puis il embrassa sa femme et lui dit « Adieu, ma chère Antoinette. Nous nous reverrons peut-être là-haut. » Madame Viguier ne put lui répondre que par un cri déchirant. Alors le peintre promena son terne regard sur ses amis et l'Américain groupés autour de lui. Cario et Prichard lui serrèrent les mains, le visage en pleurs. Et M. Godilly, qui depuis quelques minutes semblait vouloir parler, s'avança résolument près de Viguier et dit « Je trouve le tableau beaucoup plus admirable que je prévoyais. Je veux payer sa valeur vraie, je veux. » En même temps, il tendait un papier à l'artiste. Viguier y jeta les yeux. Une expression d'ineffable joie s'épandit sur ses traits. C'était un chèque de 10 000 $. « Merci, » fit-il faiblement. « Merci pour elles deux. »« C'est très bien. Ce que vous faites là, vous savez, » déclara brutalement Prichard, très ému. Mais le généreux Américain, gêné et comme rougissant de sa bonne action, se défendait. « Oh, pas la peine d'en parler. Je peux faire cela, je peux facilement. Je suis riche assez. Et le tableau les vaut, regardez. » La toile était en effet fort belle. On eût dit que Viguier, déjà moitié dans l'autre monde, avait eu en la peignant des visions d'au-delà. Ce n'était plus le portrait d'Henriette. C'était un visage d'ange éclairé par une lumière divine, un rayon du ciel. « Qu'il la voie une dernière fois, avant de mourir, » dit Prichard, avec une délicate attention, en la replaçant devant l'artiste sur son léger chevalet. La certitude laissait presque riche celle qu'il aimait tant avait transfiguré Viguier. Sa physionomie était devenue sereine. Maintenant, il pouvait partir tranquille. L'oral le reprit bientôt. Ses mains maigres grattèrent d'un mouvement lent et convulsif les bords de la couverture. Puis, tout à coup, il eut un violent soubresaut, se raidit, et après un rapide regard autour de lui vers tous ceux qu'il quittait, il reporta la vue sur sa dernière œuvre, sur sa palette aux couleurs encore humides, et rendit l'âme en murmurant. « Le corège est mort ainsi. » Ainsi s'achève la dernière toile par Charles Bérard.